Chapitre 8e. Quand M. Dallone revint à lui, il était seul, les bougies pétillaient dans les bobèches, et l'on n'entendait pas d'autre bruit que les plaintes du vent dans les branches. Il se leva et descendit. Il y avait une tempête dans son cœur. L'amour et la colère se le partageaient. Il s'y mêlait comme un sentiment de honte d'avoir toujours été vaincu par Esther. Le danger était partout autour de lui. Mais l'immobilité lui était insupportable et il voulait sortir à tout prix, dût-il y périr, de cette situation violente. « Elle m'a poussé dans cette voie, » dit-il, « je l'y suivrai. » M. Dallone savait que M. le baron Arnold d'Einsfeld était descendu à l'hôtel Meurice. Il s'y rendit au point du jour et lui fut porter une lettre avec ordre de ne la remettre qu'à lui seul et en secret. Un instant après, le baron Arnold rejoignait M. Dallone sous les arcades de la rue de Rivoli. Ils gagnèrent ensemble le jardin des Tuileries et s'enfoncèrent dans le bois en un lieu écarté, où à cette heure matinale il ne passait personne, et se tournant alors vers le baron, M. Dallone le salua. « Je suis le comte Henri Dallone, » lui dit-il. « J'ai lu votre signature au bas de votre lettre, monsieur, mais j'ignore ce que me vaut l'honneur d'un entretien avec vous, » lui répondit froidement M. d'Einsfeld. « Vous allez le savoir tout à l'heure, mais permettez-moi d'abord de vous adresser une question. Mon nom, monsieur, vous est-il tout à fait inconnu ?» Esther, dont le comte connaissait l'extrême franchise, l'avait assuré déjà que M. d'Einsfeld ne savait rien de son passé. Mais elle pouvait avoir déguisé une partie de la vérité dans la crainte d'une rencontre entre Arnold et son mari, et c'était ce soupçon que M. Dallone était bien aise de vérifier. « Non, monsieur, » répliqua le baron. « J'ai lu ce nom sur le tombeau d'une jeune femme il y a 6 mois, à Joigny. Je n'ai jamais vu celle qu'il portait, mais c'est un nom que je ne puis oublier. Madame d'Einsfeld s'est agenouillée sur la pierre, elle y a prié et pleuré. « Eh bien, » s'écria le comte, « si j'ai voulu vous parler, ne vous connaissant pas, c'est au sujet de celle qui se fait appeler madame la baronne d'Einsfeld. « Je ne mentirai pas, monsieur, » répondit Arnold d'une voix ferme. « Si Madame d'Einsfeld ne porte pas mon nom, c'est qu'elle ne l'a jamais voulu. Mais devant Dieu qui m'entend, elle est ma femme. Quant aux hommes, je n'ai point de compte à leur rendre. »« Aux hommes, soit, » reprit M. Dallone, « mais un homme peut-être, et cet homme, c'est moi. Vous, moi-même. Et vous allez bientôt voir que j'ai quelque droit à vous parler ainsi. » Arnold regarda fixement M. Dallone. Il comprit à l'air de son visage qu'il y avait un malheur là-dessous. « Si vous avez ce droit, » reprit-il, « exprimez-le, j'en jugerai. » « Mais d'abord, » continua M. Dallone, « pour vous bien prouver que je sais de qui je parle et à qui je parle, écoutez bien ceci. Esther, car enfin vous savez bien qu'elle ne s'appelle pas Madame d'Einsfeld, Esther a été ramassée par vous dans la soirée du 17 octobre 1838 au bord d'un torrent dans le ravin de Saint-André, non loin de Poligny. Est-ce vrai ?»« Il est vrai, » répondit M. d'Einsfeld. Et depuis ce jour, je n'ai plus quitté une heure seulement celle qu'il vous plaît de nommer Esther, comme si vous étiez son frère. Le savez-vous? Je le sais. Mais savez-vous aussi que ce droit de protection et de dévouement, je l'ai acheté par un amour sans bornes? Savez-vous que lorsque la Providence me conduisit sur le bord du torrent, Esther gisait sur les cailloux presque morte? Sa tête était baignée par l'eau, elle était sans haleine et glacée, et si la nuit l'eût surprise sur son lit de gravier, les loups auraient broyé son corps par lambeaux. Je l'emportai dans mes bras, au fond d'une vallée où j'avais remarqué une pauvre cabane de bûcherons. Le hasard m'avait conduit dans ces montagnes. J'étais avec ma sœur alors, mais la tempête ne m'avait pas plus épargné que vous. Tandis que nous passions sur un vieux pont, les chevaux de notre voiture, effrayés par les bruits de l'orage, nous entraînèrent dans le torrent. Tout ce qu'un homme peut faire pour sauver une sœur, je l'ai tenté. Mais Dieu ne bénit pas mes efforts. Les eaux l'emportèrent dans leur cours. Je la cherchais encore lorsque j'aperçus un corps immobile étendu sur la grève. J'accourus, c'était une femme aussi. Elle avait l'âge de ma Wilhelmine, sa beauté touchante. Il me sembla que Dieu me la confiait, et je la soulevais comme on soulève un enfant, le cœur rempli de désespoir, de pitié. J'étais désormais seul au monde, mais j'avais une créature abandonnée à sauver. Je me dévouai à elle tout entier. Esther resta couchée 3 jours, sans vie, sur un grabat, et durant ces 3 jours, penchée sur son visage, j'épiais le souffle sur sa bouche. Quand elle ouvrit les yeux, elle était folle. M. Dallone tressaillit. M. d'Einsfeld sourit amèrement. « Il paraît, monsieur, que vous ne saviez pas tout. »« Oui, folle, » reprit-il. Une terreur étrange la glaçait jusqu'aux os. Ses dents claquaient et ses yeux perdus dans les ténèbres, il cherchait quelque objet sans nom dont le rêve l'épouvantait. Combien de fois la nuit ne l'ai-je pas surprise, roulée dans ses couvertures, blottie dans un coin obscur de la cabane, pâle, les mains sur son visage, les cheveux épars et tremblantes. Ce fut un état de fièvre qui l'aurait tué s'il se fût prolongé plus de 15 jours. Quand elle sortit de ses longs accès, c'était pour tomber dans une effrayante immobilité pleine de silence. Elle obéissait comme un enfant à tout ce qu'on voulait, souriait tristement et pleurait. À son premier sourire, je sentis que je l'aimais. Un jour, je la surpris tenant à la main un journal qu'un bûcheron avait rapporté de Poligny, où il était allé chercher quelques remèdes. Elle lisait dans un état d'agitation extraordinaire, des larmes coulaient de ses yeux. Elle m'entendit, froissa le journal et le jeta dans le feu. Ce ne fut, une seconde après, qu'un peu de cendre et de fumée. J'ouvrais la bouche pour lui adresser une question quand elle me la ferma d'un geste. « Ne m'en parlez jamais, » dit-elle, et elle me tendit la main. Son geste et l'accent de sa voix dilatèrent mon cœur. Je compris qu'elle était guérie. Un choc violent l'avait frappée, et ce choc, qui pouvait la perdre, venait de la sauver. Quant au journal, je ne pus jamais savoir ni son titre ni sa date. Le bûcheron qui l'avait apporté ne savait pas lire. Que vous dirai-je après? Sa convalescence fut longue et pénible. Elle souffrait de vives douleurs dans la tête, et quand elle y portait la main, ses doigts revenaient chargés de ses beaux cheveux châtains. Ils tombèrent tous, et ceux qui les remplacèrent étaient noirs. Un jour vint où je jugeais qu'elle pouvait sans danger quitter cette cabane où le monde semblait l'avoir oubliée. Je le lui dis. Mes paroles parurent la tirer d'un songe. « Où voulez-vous que je vous conduise, madame ?» lui dis-je. « Parlez, vous serez obéie. » Elle leva ses yeux vers le ciel et je vis une larme y briller. « Je suis seule au monde, » dit-elle. « Personne ne m'attend. Je n'attends personne. » « Au moins, » lui dis-je, « avez-vous un ami et cet ami est près de vous ?» En lui parlant ainsi, je sentais que cette minute allait décider de ma vie. Esther me regarda. Il y avait dans ses yeux une expression de confiance angélique que je n'oublierai jamais. « Je sais que vous m'aimez, » me dit-elle. « J'ai bien besoin d'être encouragée à vivre. Voulez-vous me servir de guide et d'appui ?» La joie me mit des larmes dans les yeux. « Oh ! » m'écriai-je, « je suis à vous !»« Eh bien, » reprit-elle, « je vous remets le soin de ma vie. » Mais jurez-moi que jamais, en aucune circonstance, vous ne me parlerez de mon passé. Il est pur, qu'il vous soit sacré comme un tombeau. Je le lui jurai. Voici ma main, me dit Esther. Elle est libre et je vous la donne. Elle vous a dit cela, elle, Esther ? S'écria M. Dallone. Elle me l'a dit, et comme elle s'est donnée librement, je l'ai acceptée librement. Elle mentait. Monsieur, prenez garde, dit Arnold. « Elle mentait, vous dis-je, car je suis son mari. » M. Dinesfeld resta comme foudroyé. Il lui semblait impossible qu'Esther eût pu mentir, et cependant l'accent de la vérité éclatait dans la voix de M. Dallone. « Je l'ai crue morte pendant 4 ans, » reprit le comte. « Si vous ne me croyez pas, allez le demander à celle qui porte votre nom. Allez, monsieur, et vous viendrez après me demander à moi si j'avais quelque droit à vous parler d'Esther. » Arnold courut à l'hôtel Meurice et se dirigea vers la chambre d'Esther. Elle venait de se lever lorsque M. Dinesfeld lui fit demander si elle était en état de le recevoir. Elle congédia sa femme de chambre et Arnold entra. Au premier regard qu'elle jeta sur lui, Esther devina qu'il avait vu M. Dallone. « Esther, Esther, dites-moi qu'il n'a pas dit la vérité, dites-moi que vous n'êtes pas mariée au comte Dallone. » « C'est la vérité, cependant, » répondit Esther. Arnold porta la main à son front. « Vous, sa femme, vous m'aviez juré que vous étiez libre, et je le jure encore, » dit-elle en levant sa main vers le ciel. Arnold la regarda, craignant qu'elle ne fût encore une fois devenue folle. « Libre et mariée ? » dit-il. « Oui, libre par la grâce du crime, libre parce qu'il m'a assassiné. » Arnold poussa un cri et s'élança vers Esther, comme si un invisible danger la menaçait encore. « Écoutez-moi, Arnold, » reprit Esther, « vous avez fidèlement tenu votre promesse. Mon passé, quel qu'il pût être, a été sacré pour vous, et vous ne m'avez jamais interrogé. Le jour est à présent venu où il faut que vous sachiez tout. Écoutez-moi donc. » Esther lui raconta les événements qui avaient précédé et suivi son mariage avec Henri Dallon jusqu'à la scène du hameau sur la route du Jura où M. de T. s'était arrêté un instant. Quand nous eûmes mis pied à terre, reprit-elle, M. Dallon prit mon bras. J'étais épuisé plus encore d'esprit que de corps. Le spectacle morne et sauvage qui m'entourait augmentait la désolation de mon âme. Je me traînais sur la route, regardant tantôt la neige qui criait sous mes pas, tantôt le ciel où s'allongeaient de pesantes nuées. Je grelottais. Un instant, le regard de mon mari s'abaissa sur moi. J'eus le courage de le supplier encore. Tout ce que le désespoir peut inspirer, je le lui dis. J'avais des larmes dans la voix et dans les yeux. Il fut inflexible. Brisé enfin d'émotion, à bout de force et de prière, je tombai à genoux sur le bord de la route. Il voulut me relever. Son visage m'épouvanta. « Viens, viens !» me dit-il. « Et quoi ? » lui dis-je en me dressant. « Vous ne comprenez pas que dans cette vie que vous m'avez faite, il n'y a plus entre une faute et moi qu'un hasard ? Ne comprenez-vous pas que si vous me torturez plus longtemps, ce hasard, je finirai par l'appeler ?»« Misérable ! » cria-t-il. Sa main qui me touchait me poussa et je tombai. L'abîme était là et je disparus. Voulait-il me tuer ? Je ne le crois pas. Mais tandis que je roulais, il me semblait voir le visage de mon mari et ses mains menaçantes suspendues en l'air. Le reste, vous le savez. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce journal que je lisais un matin dans la cabane du bûcheron était un journal où la mort et l'inhumation de Madame Dallon étaient racontées. Je n'avais plus de famille, plus de mari, plus de nom. Dites maintenant, mentais-je quand je vous jurais que j'étais libre ? Arnold souleva Esther dans ses bras. Non. Dit-il, et c'est maintenant moi qui vous défendrai. » Ce mot fut un éclair pour Esther. Elle comprit qu'une rencontre était presque certaine entre M. Dinesfeld et M. Dallon, mais certaine aussi, connaissant la bravoure d'Arnold, qu'elle ne pourrait pas le retenir, elle se tut. Seulement une heure après, lorsque M. Dinesfeld la quitta, elle descendit sur ses pas, sauta dans une voiture et le suivit. Arnold se rendit chez M. Dallon, dont il s'était procuré l'adresse, et il y resta quelques minutes. Il en sortait à peine que déjà Esther, franchissant l'escalier, entrait chez le comte. Le comte se leva à sa vue. « Vous allez vous battre avec M. Dinesfeld, je le sais, » lui dit-elle. « Je ne viens vous prier ni pour vous, ni pour lui. Peut-être ne m'écouteriez-vous pas, mais enfin, qu'espérez-vous de ce duel ?»« Rien, madame, et c'est pour cela qu'il n'aura pas lieu. » Esther, étonnée, regarda M. Dallon. Je viens de le dire moi-même à M. Dinesfeld, qui accourait se mettre à mes ordres. Je n'ai plus aucun droit sur vous et vous êtes libre. Hier, ce matin encore, j'étais fou. Je ne sais quelle lumière m'a subitement éclairé. Je vous demandais votre amour, madame. Je vous demande davantage à présent, car c'est votre pardon que je veux. « Mon pardon ? » dit Esther émue. « Oui, madame, et je l'espère. Je vous ai fait bien du mal, mais ce que j'ai souffert depuis 8 jours paye une vie d'angoisse. Peut-être sommes-nous quittes devant Dieu. » Esther sentit que l'émotion lui gagnait le cœur. La voix de M. Dallon était si douce et si triste à la fois qu'il lui vint une larme aux yeux en le regardant. « Merci, » lui dit-elle. Et prenant sa main dans les siennes, elle la serra. À ce mouvement inespéré, un nuage passa devant les yeux de M. Dallon. Il les ferma et pâlit. Mais se remettant presque aussitôt, il se leva. « Adieu, Esther, » lui dit-il. « Voilà le seul jour heureux que j'ai vécu depuis 4 ans. » Au moment de se séparer et comme elle passait la porte pour toujours, Esther fondit en larmes. « Oh, mon Dieu » murmura-t-elle. « Pourquoi ne m'a-t-il pas toujours aimée ?» Ce jour-là même, vers 4 heures, M. de T. rencontra M. de Sarty qui sortait de la rue Le Pelletier. « Eh, mon cher, quel air effaré avez-vous donc ?» dit le diplomate au jeune pair de France. « Quoi, vous ne savez rien ?»« Rien ?»« Le comte Dallon est mort. »« Mort, Henri ?» Il s'est tué à midi dans son hôtel de la rue Le Pelletier. Il est entré à 11 heures et s'est enfermé seul dans la chambre à coucher de sa femme. À midi, le vieux Jacques a entendu une détonation. Il est monté, la porte était verrouillée en dedans, il l'a jetée à bas et il a trouvé son maître sur le tapis au milieu d'une mare de sang. Il tenait encore un pistolet à la main et s'était fait sauter le crâne. « Sait-on la cause de ce suicide ? » demanda M. de T. « Ma foi, je n'en sais rien, mais entre nous, je crois qu'il y a quelque mystère sous cette mort. Vous souvient-il du cri que nous avons entendu un soir de bal à l'opéra, et de cette étrangère qui avait la beauté de Madame d'Alonne et la pâleur du tombeau ?»« Quelle folie !» dit M. de T. En ce moment, une chaise de poste passait sur la chaussée. « Tenez !» s'écria M. de Sarty. « Voilà le fantôme qui passe !» Et saisissant M. de T. par le bras, il lui montra Esther, assise à côté de M. d'Heinsfeld. Ainsi s'achève Daphnis et Chloé d'Amédée Achard.